Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'ITisez-vous. ITisez-vous, comme vous le savez, est une nouvelle émission de la galaxie ITis de podcast, dont le concept est très simple. Je recevrai ainsi une personne ayant connu les années 80 pour diverses raisons, soit qu'elle ait marqué la décennie par son actualité, soit qu'elle ait tout simplement grandi pendant cette période, ou bien encore qu'elle veuille partager avec moi sa passion des années 80. Alors, je vais laisser l'invité se présenter comme le veut la tradition, nom, prénom, date et lieu de naissance, et profession. Bonjour, je m'appelle Guillaume Ledicèze, je suis né le 22 février 1973 dans le Val d'Oise et je suis responsable éditorial dans la vidéo à la demande. Très bien, et bien alors Guillaume, enchanté, merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Je propose qu'on attaque directement sur ton actualité. Alors, si on te reçoit aujourd'hui, c'est avant tout parce que nous sommes supporters d'un de tes projets qui nous tient à cœur, étant quand même très orienté années 80. Donc je vais te laisser le présenter, mais il s'agit d'un ouvrage sur une grande dame du divertissement pour adultes dans les années 70 et 80, à savoir Brigitte Lahaie. Donc, je te laisse nous parler un peu de ce projet. Tout à fait. Alors, il y a quelques semaines, on a lancé le crowdfunding pour notre livre qui s'appelle Brigitte Lahaie, les films de culte. Je dis notre livre parce que c'est un livre qu'on a lancé avec mon camarade Cédric Grandguillot. On a ajouté à notre équipe rédactionnelle un jeune universitaire qui s'appelle Nicolas Lahaie. Bien sûr, il fallait quelqu'un qui s'appelle Lahaie pour... Il nous fallait avant tout quelqu'un qui ait une spécialité académique, puisque le jeune Nicolas Lahaie est docteur en histoire des civilisations et il est spécialiste du nanar. Il a défendu une thèse sur le nanar il y a 2 ans, avec succès. Et puis après, le nom de famille, c'est accidentel. Bon, cela dit, c'est source de plaisanteries non encore épuisées. Mais ça ne s'écrit pas pareil. Et puis lui, c'est son vrai nom. Alors que Brigitte, elle, c'est un pseudonyme qu'elle s'est choisi au début de sa carrière. Donc effectivement, on s'est lancé dans cette aventure de raconter le cinéma d'exploitation des années 70 et 80, du porno au polar, en passant par les films de zombies dans les Cévennes, les films de prison de femmes suisses, les luttes contre les trafiquants de drogue dans la jungle colombienne, en réalité tournée au Portugal, et tout un tas de films complètement inconscients et fous et barrés et beaux et libres. Moi, ce que je pense et ce qui résume parfaitement votre campagne et ce qui m'a vraiment plu, si on résume, Brigitte Lahaie, c'est un peu Bébelle au féminin. Ça a été lâché pendant votre vidéo de promo du projet, parce qu'elle a fait plusieurs films, notamment L'Exécutrice, où c'était un peu le pendant féminin de Bébelle avec le pistolet dans le pantalon, dans le jean bien serré et haute. Bon, elle, c'est pas vraiment dans le pantalon, mais il y avait ce côté, effectivement, une sorte de Bébelle au féminin, donc ça m'a beaucoup plu. Et effectivement, il y a un film qui s'appelle L'Exécutrice que tu citais, qui était vraiment un exercice de transposition exacte des succès de Bébelle des années 80. Et puis, la comparaison avec Bébelle, elle vaut aussi au sens où Belmondo, il a d'abord eu une première partie de carrière qui était dans un cinéma assez pointu, hein, qui était un cinéma d'auteur, issu de la Nouvelle Vague, et bien effectivement, Brigitte a eu une première partie de carrière dans un cinéma tout aussi pointu, qui était le X. Elle n'a fait que 3 ans de porno. Et ensuite, elle avait déjà commencé à faire des films dans d'autres genres, alors qu'elle n'avait pas encore arrêté le porno. Et ensuite, elle a été actrice pendant une grosse dizaine d'années, hein, donc sur toutes les années 80. La seule différence avec Bébelle, c'est que le succès populaire n'est pas venu de la même manière, et que si Brigitte est devenue une star, c'est beaucoup plus des années après avoir arrêté le porno, quand elle a écrit son autobiographie. C'est ça. Et que c'est à partir de ce moment-là qu'elle est devenue vraiment l'incarnation, en France, de l'affirmation d'une liberté sexuelle. Elle nous l'a expliqué pendant les longues interviews qu'on a fait d'elle, hein, qui, en fait, était encore quelque chose d'assez provoquant et d'assez choquant à l'époque, d'assumer à ce point-là, comme elle l'a fait, son choix d'avoir fait du porno, et de ne rien renier, et de ne pas dire qu'elle avait été très heureuse de le faire. Et il se trouve que c'est aussi pour ça que l'image de Brigitte a pu marquer autant des jeunes hommes comme Cédric et moi qui avons grandi dans les années 80, car elle est devenue à partir de là l'incarnation d'une image de la femme. Soyons clairs, hein, donc tu es né en 1973, moi je suis de 1975, donc c'est vrai que comme tu le signalais, finalement elle a fait une carrière assez courte dans le porno, mais c'est vrai que donc nous on l'a plus découverte pendant les années 80, avec moi j'ai un film notamment dont je me souviens qui s'appelait Les Petites Écolières, où elle avait donc une tenue bleue. Alors ça, je me souviendrai effectivement, j'ai vu il y a des années et des années, et des espèces de lunettes teintées où donc voilà, elle enseignait à des jeunes filles un peu dénudées les pratiques, on va dire, sexuelles. Et je me souviens aussi du fameux logo Alpha France, donc avec le fer à cheval, et en fond de ce fer à cheval, le dégradé de couleur qui venait. Et je pense que la plupart de ces films pornographiques ont été faits sous ce label-là. Exactement. Et moi, j'ai un autre film emblématique avec elle que je cite souvent dans nos podcasts, pas forcément pour parler de Brigitte, mais plus pour parler de Roger Carrel, à savoir Le Diable Rose. Tout à fait. De 1987, qui est un film bon, alors moi qui me tient à cœur, mais bon, je comprends qu'il soit un peu passé inaperçu, mais dans lequel on retrouve donc Brigitte qui danse dans un club de striptease, perdu en pleine campagne, et on retrouve notamment Roger Carrel. Pendant la guerre, Roger Carrel étant un officier allemand. Comme souvent, comme je me plais à dire, soit il est ecclésiastique, soit officier allemand. Oui, tout à fait. Dans le cinéma. Et Brigitte est entraîneuse de revue déshabillée, tout en étant résistante. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, il faut signaler qu'elle a croisé pas mal de nazis pendant sa carrière. Alors, plutôt des nazis débiles. Hein. Donc, il y a eu Roger Carrel. Elle a joué dans deux films différents dans lesquels il est question d'un fils caché d'Hitler. Dans le premier, qui s'appelle Nazi dans le métro, le fils caché d'Hitler était même interprété par Pierre Desproges. Ça, c'est une des raretés. C'est probablement le dernier film qu'on n'a pas encore réussi à voir dans l'ensemble de sa filmographie. Donc, c'est notre petit graal à Cédric et moi et à Nicolas. Mais je pense qu'on y arrivera de façon à pouvoir raconter ce qu'il y a dans ce film avant d'avoir terminé le livre. Oui, et puis elle a côtoyé aussi des personnages d'anciens nazis, d'anciens chirurgiens nazis, notamment dans un de ses derniers grands rôles, Les Prédateurs de la Nuit. Mais alors oui, c'est un Jess Franco. C'est un film de Jess Franco, ouais, mais c'est autant un film de Jess Franco qu'un film qui était produit par René Château. René Château, c'est une légende. René Château, c'est un grand homme de distribution de cinéma. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour que des films... La fameuse Panthère. La fameuse Panthère, et puis pour que les films de Bruce Lee ou bien des films... Les Morphalous avec Bébel, enfin tous les Bébel finalement, enfin beaucoup de Bébel. Alors les Bébel, il les a pas produits, il les a pas distribués, il les a surtout distribués en VHS. Oui, c'est ça, en VHS. Oui, mais c'était un grand publiciste. C'est vraiment à lui qu'on doit l'identité visuelle des affiches de Belmondo. À la Rambo, un peu, finalement. Rambo, à la Rambo, mission, cadré, effectivement, des affiches peintes, cadrées à mi-hauteur, très iconiques. On dit souvent que c'est lui qui a inventé Bébel, hein, qui a inventé la marque Bébel, puisque avant, il y avait Jean-Paul Belmondo, et puis jusqu'à un échec commercial et artistique, qui était Stravinsky, dans la Le fameux Stravinsky, oui. Le fameux Stravinsky. Mmh. Belmondo a décidé de tourner le dos à la partie plus autorisante de sa carrière pour aller à fond dans le commercial. Et il s'est à ce moment-là associé avec René Château pour travailler sur son image. Cela étant, René Château n'avait pas produit de films. C'est-à-dire qu'il intervenait toujours sur les films alors qu'ils étaient déjà faits. Et il y a eu une brouille avec Belmondo, ça devait être vers 84-85. Et René Château a conquis Brigitte Lahaie, d'ailleurs. C'est ce que j'allais te dire. On peut dire également que René Château a été le compagnon de Brigitte. Tout à fait, ça a été son compagnon. On dit qu'il a mis un certain temps à la conquérir parce qu'il était amoureux d'elle avant d'avoir réussi à la séduire, hein, qu'il a poursuivi de ses assiduités pendant plusieurs années. Alors qu'ils étaient ensemble, il a souhaité prendre en main sa carrière. D'ailleurs, l'affiche de l'exécutrice dont tu parlais tout à l'heure, c'est une affiche qui a été complètement refaite par René Château. Hein. Brigitte nous a montré dans ses archives les premières affiches de l'exécutrice qui était complètement ringarde, illisible. Vraiment des affiches à l'ancienne. Anodine et sans intérêt, quoi. Sans intérêt, et c'est lui qui l'a fait poser en perfecto, torse nu sous son perfecto, avec son col 45 à la ceinture, effectivement, dans une pose très belmondesque. Et Les Prédateurs de la Nuit, c'est René Château qui a voulu se lancer dans la production, qui a engagé Jess Franco, dont il avait été impressionné par le travail lorsqu'il s'était rendu sur le tournage de Dark Mission. Dark Mission, c'est un film de Jess Franco, d'aventure, de lutte entre... la CIA et un cartel de la drogue en Colombie. Le parrain de la drogue, il est joué par Christopher Lee, et parmi l'équipe de la CIA, il y a Chris Mitchum, le fils de Robert Mitchum. C'est à peu près son seul fait d'arme, hein, cinématographique. René Château est venu rendre visite à sa campagne, il a été très impressionné. Il raconte dans une interview il y a quelques années que Jess Franco était capable de placer sa caméra au bon endroit pour qu'on voit pas les immeubles qu'il y avait à gauche, les câbles électriques qu'il y avait à droite, et que on ait l'impression que effectivement ça se passait en pleine jungle colombienne, alors qu'en fait c'était tout simplement au Portugal dans un jardin. Donc il a choisi Franco, il a écrit le scénario du film qu'il avait en projet depuis un moment. Bon, un scénario qui s'inspire énormément à la fois d'un film précédent de Jess Franco, L'horrible docteur Orloff, et Des yeux sans visage de Franju. Bah, en tant que producteur, il avait sans doute des idées peut-être trop arrêtées par rapport au réalisateur qu'il avait choisi, qui lui était un réalisateur un peu anard, Jess Franco, hein, et puis qui avait l'habitude de conduire sa barque tout seul. Donc c'est pour ça que Les Prédateurs de la Nuit est autant un film de Franco qui a été très cornaqué sur un certain nombre d'aspects du film, et qui donc s'est lâché sur l'horreur et le gore, parce qu'il avait plus de budget qu'il pouvait en avoir précédemment. Et c'est autant un film de René Château qui voulait faire un film de producteur, avec une ambition très sincère, mais voilà, avec des contradictions dans sa démarche, hein, on va dire. Alors une des contradictions les plus évidentes, c'est que c'était le film avec lequel il avait promis à Brigitte qu'il lancerait sa carrière. Il lui a quand même concocté un personnage de directrice de clinique qui tue des gens, qui vole les bijoux des gens après les avoir tués, qui est assez peu regardante sur la déontologie, puisque quand même elle kidnappe des jeunes femmes pour leur prélever des cellules qui vont servir à régénérer des vieilles peaux. Est-ce que c'est dans celui-là où on injecte des trucs dans les yeux ? Et c'est celui-là, effectivement, où il y a une passion qui est jouée par Stéphane Audran. Stéphane Audran, c'était la femme de Claude Chabrol. C'est une grande actrice des années 60, 70. Stéphane Audran pense comprendre ce qui se trame dans les sous-sols de la clinique. Et donc, Brigitte vient la voir avec une seringue qu'elle lui enfonce, une énorme seringue. Dans l'œil. Jusqu'au bout, dans l'œil. Effectivement, dans une scène assez dégueulasse. Très efficace. Hein, ça, c'est, voilà, je te disais précédemment que Franco s'était lâché sur le gore parce qu'il avait des budgets qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir. Et effectivement, les effets graphiques des Prédateurs de la nuit reste aujourd'hui. Et il y a également une autre scène où il y a un homme de main qui fait peur rien qu'à le regarder d'ailleurs, hein. C'est un acteur qui a très peu tourné mais qui était assez effrayant, est chargé de se débarrasser d'un cadavre d'une opération ratée, et il lui découpe la tête pour que ça tienne moins de place, mais quand même, avant de la mettre dans un sac poubelle, il l'embrasse. Et alors, il y a cette scène où donc, il tient la tête dans la main et il roule une pelle, donc ah oui, défiguré. C'est pas mal. Et ça, c'est très Franco. Ça, c'est une signature de Franco imminente. D'ailleurs, le film est un condensé de l'esthétique de la deuxième moitié des années 80, avec ces personnages qui vont dans des boîtes où tout le monde a des choucroutes, qui prennent de la coke, qui roulent en CX. Légèrement caricatural. Mais légèrement caricaturé, d'ailleurs souvent, ou en R25, d'ailleurs c'est souvent la R25 de René Château lui-même qu'on voit dans un certain nombre de plans. Et effectivement, c'est un peu une caricature de l'esthétique de la deuxième moitié des années 80, qui fait que bah, le film est bien dans son jus. Maman ne m'a pas dit d'avoir peur du méchant loup. Je suis une bobille, j'aime bien te faire, c'est tout. Maman ne m'a pas dit de prendre garde au matou. Je suis une minette qui fait ses ronrons dans ton cou. Ma maman ne m'a pas dit de ne pas toucher à tout. Je brûle la chandelle de mon cœur par mes dégoûts. Bon, alors, on a bien bien déroulé sur Brigitte. Moi, ce que je me souviens aussi de Brigitte, c'est sa passion pour les chevaux. Et puis elle a des, alors, ce sont des dogs, ces chiens. Elle avait des grands chiens. Elle a toujours eu d'énormes chiens. Elle en a toujours effectivement un des chiens dont la tête arrive jusqu'à la poitrine. Elle en a toujours eu au minimum deux à la fois. Et ils apparaissent régulièrement dans différents films. La première fois qu'ils apparaissent, c'est aussi la première fois que Brigitte est apparue dans un film qui n'était pas un film porno, c'est dans Les Raisins de la Mort de Jean Rollin, où elle fait une apparition qui est une citation du Masque du Démon de Mario Bava, dans lequel Barbara Steele apparaît également en haut d'un escalier avec deux dogs allemands. Et c'était une référence directe à une image du fantastique européen qui avait beaucoup marqué Jean Rollin. Et puis ces dogs, on les a revus à différentes occasions. On les a notamment revus dans certaines productions X où elle venait avec ses chiens, donc parfois on voyait ses chiens sur le tournage, hein, tout simplement. En arrière-plan, qui se promenait. Et elle a beaucoup fait de cheval aussi à l'écran. C'est vrai, exact. Notamment dans un des plus grands pornos dans lesquels elle a tourné, qui s'appelle Je suis à prendre. Et puis, à différentes occasions, dès qu'elle pouvait, elle faisait du cheval. Et notamment, il y a notamment un film d'enquête roublard, comme pouvait y avoir aussi dans les années 80. C'est un peu dans cette vague des Mondo, hein, des films qui promettaient de faire découvrir une réalité jamais vue jusque-là. En fait, ça correspond à une sorte de Paris dernière dans des boîtes à partouze. Hein. Et à la fin du film, il y a de très belles images de Brigitte qui galope à cheval sur les plages du Mont-Saint-Michel, totalement nu. Et on est très heureux d'avoir retrouvé une copie 35 mm en excellent état de ce film, et on a numérisé cette dernière bobine justement pour inclure ça dans les bonus du DVD qui accompagnera le livre. Donc pour clore un peu cette partie sur le projet, donc effectivement la campagne se termine le 14 novembre, on est très proche des 100%, donc n'hésitez pas à soutenir ce projet. Et c'est vrai que donc comme tout projet sur cette plateforme là, différents paliers et surtout différentes récompenses selon les choix que feront les personnes qui soutiennent le projet. Donc il y a des choses exotiques du type le vin justement en rapport avec les raisins de la mort, il y a une tablette de chocolat qui a été faite par un de ses anciens partenaires qui s'est reconverti en chocolat Platier. On a notamment également une lithographie de Manara. C'est vrai qu'il y a un éventail de produits, et moi, un truc qui me tient vraiment à cœur, ce sont les petites figurines Lego, dans trois rôles emblématiques de Brigitte, donc la fameuse scène de la faux, puis il y a deux autres rôles de Brigitte. Il y a Les Raisins de la Mort, il y a Fascination, effectivement, voilà. Où elle est armée de sa faux, et Les Prédateurs de la Nuit, avec la seringue, justement, la même seringue que celle qu'elle plante dans l'œil de Stéphane Audrey. Donc je pense que effectivement mon palier de soutien sera celui pour obtenir ces trois petites figurines Lego qui me tiennent à cœur et qui plairont à mes enfants, mais même s'ils ne sauront pas de quoi ça vient. Enfin, en tout cas, tout à fait. Alors ça me tient à cœur à moi aussi, puisque c'est une réalisation collective avec mon fils de 9 ans. L'idée vient de lui au départ. Un jour, ça fait quand même un certain temps que je travaille sur ce projet-là. Je fais attention aussi aux films sur lesquels je travaille aux heures ouvrées. Il avait beaucoup vu Fascination, et puis un jour il m'amène ravi une petite figurine qu'il avait assemblée avec ce qu'il avait, en me disant: regarde, je t'ai fait une petite Brigitte en Lego. Et on a trouvé ça tellement mignon qu'on s'est dit qu'on allait le faire. Et effectivement, on a passé l'été avec mon fils sur les sites de pièces détachées de Lego, de façon à reconstituer ces trois personnages uniquement avec des pièces d'origine Lego. Hein, c'était le défi qu'on s'était fixé, en laissant venir de toute l'Europe. Et on est content. Non, c'est chouette, c'est chouette. Ça. Et ça a beaucoup amusé Brigitte. Bah oui, je comprends bien. Et en plus, c'est tout à fait en accord avec la mouvance actuelle sur le revival des petites figurines Lego. Avec notamment, ils ont lancé les concepts de Lego IDs où vous pouvez proposer des projets et on les voit se transformer en Lego. Bah donc jusqu'au 14 novembre, on n'hésite pas, on soutient ce projet pour qu'on se retrouve avec ce joli ouvrage dans les mains au printemps, puisque la sortie est prévue au mois d'avril, normalement, si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Avec une projection au Max Linder à Paris, en présence de Brigitte normalement elle-même, puis de plusieurs de ses anciens partenaires, j'imagine. Donc, ce qui fait partie également du choix, alors j'ai bien aimé ça aussi, soit on vous envoie le livre par la poste, soit on vous permet de venir visionner une sorte d'avant-première de certains longs-métrages de Brigitte. Voilà, dans la limite des places disponibles, comme il est précisé sur la plateforme, puisqu'on ne peut pas loger des milliers de personnes dans cette salle. Le Max Linder est une grande salle, hein, c'est une salle qui compte près de 600 places. On va se recentrer un peu sur toi, puisqu'on a quand même laissé la part belle à Brigitte jusqu'à maintenant, ce qui était quand même tout à fait normal. Alors, ton profil années 80, donc comme tu nous l'as dit, tu es né en 1973. Est-ce que tu peux nous parler un peu des souvenirs que tu as des années 80 et de ce dont tu te souviens vraiment là, comme ça, de prime abord? Les années 80, de Guillaume le disait, c'est quoi? Les années 80, alors moi, je les ai donc attaquées et traversées en pleine conscience. Et notamment, ce sont les années où j'ai commencé à former mes goûts. Mes goûts qui sont assez vite tournés vers le cinéma, les jeux vidéo aussi, ou l'informatique. Enfin, on ne parlait pas encore forcément de jeux vidéo au début des années 80. Hein. Même si c'était une sorte d'achievement de réussir à jouer à un jeu sur une machine comme un ZX Spectrum. Et puis de technologie aussi, puisqu'il y a des innovations technologiques qui étaient des formes de rupture qui sont arrivées à cette époque-là et qui m'ont fasciné dès le début. Le Minitel, la VHS, l'explosion de l'offre de télé. Donc moi, c'est les années où je suis devenu consommateur de films, de technologie. Parfois, on est un peu seul sur les choix que je faisais avec les enfants de mon âge, les adolescents qui m'entouraient. Et ce que je ne comprenais pas alors à l'époque, c'est que tous les films pourris que je louais au vidéoclub, que je regardais sur la 5, toutes les heures que je passais sur mon ordinateur, les piles de comics que je descendais, je ne me rendais pas compte encore que, en fait, je n'étais pas si seul que ça, qu'il y avait d'autres gens autour de moi. Qui étaient chacun seul, mais voilà, il n'y avait pas encore l'effet Internet, effectivement. Voilà, et que, il n'y avait pas encore Internet pour rassembler toutes ces personnes, et qu'en fait, j'allais rejoindre l'armée des geeks. On ne connaissait pas encore le mot, ça n'avait pas de nom, mais je me suis rendu compte plus tard, dans les années 90, que en fait, je m'étais constitué de belles bases geeks, tout comme mes confrères que je retrouverais par la suite. Mais c'est vrai que dans la banlieue pavillonnaire où j'ai grandi, j'avais des copains qui quittaient le pot de leur mobylette. Je pense que toi, ça te parle, pas forcément à des gens plus jeunes, mais c'était un loisir beaucoup plus courant que... Le kit ninja pour la 103 SP. Exactement, le kit ninja pour la... tout à fait. Voilà, c'était un loisir qui était beaucoup plus répandu que celui d'essayer de faire évoluer ce qu'il y avait dans son Atari ST ou de rajouter une barrette de mémoire dans son Amiga 500, voilà, pour pouvoir faire tourner absolument tous les jeux avec un méga de mémoire, qui est un truc maintenant ridicule. Mais bon, un méga de mémoire à l'époque, c'était énorme. Alors, tu nous disais que tu étais un petit peu seul, mais est-ce que, bah, par exemple, tes frères et sœurs, éventuellement, est-ce que tu jouais avec eux? Est-ce qu'ils ont été pour toi des modèles? Est-ce que vous avez une différence d'âge? Est-ce que tu te situais par rapport à ces éventuels frères et sœurs? Moi, j'ai un frère qui est plus jeune que moi, qui a 7 ans de moins que moi. Lui, il est né en 1980. Et effectivement, sa culture, lui, a tout de suite été... c'est plus une culture années 90, c'est plus une culture autour des mangas, c'est un enfant du Club Dorothée. En termes de jeux vidéo, lui, il est tout de suite passé sur les consoles, sur la Super Nintendo. Alors moi, ça m'a permis d'être très en prise avec, justement, cette culture des années 90. Mais est-ce que toi, du coup, t'as basculé là-dessus aussi et c'est lui qui t'a suivi? Ou est-ce que vous aviez chacun votre itinéraire parallèle? Ou du coup, bah, toi, tu t'es dit, ouais, non, mais c'est plus mon truc et je passe à autre chose, je m'occupe des filles ou je ne sais quoi? Il y a deux choses. Il y a effectivement, j'étais un peu grand, il y a des trucs qui m'intéressaient moins, j'ai pas du tout pris le virage des Pokémon, par exemple. Hein. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que 7 ans de différence d'âge entre mon frère et moi, c'était plutôt pas mal. Et puis, j'ai pas été un grand frère très sympa. J'étais pas content quand mon frère est arrivé. J'avais 7 ans, j'aurais voulu continuer à être fils unique, je pense. Aïe. Et donc, on s'est aussi choisi nos voies en termes de goût. Je pense pas avoir eu une influence énorme vis-à-vis de lui et réciproquement, parce qu'il fallait aussi qu'on se dissocie. On s'est beaucoup taquiné, voire même chamaillé, voire même battu. Avec 7 ans de plus, oui. Ça devait être plus facile. Il y avait une progression, c'est vrai qu'à un moment il grandissait, mais donc non, on s'est fait nos propres trajectoires en matière de goût et en matière de consommation culturelle, on va dire. Donc oui, ça a été assez parallèle et les influences n'ont pas été trop fortes. Alors, on va parler un peu des jouets. Est-ce qu'il y a eu des jouets que tu as pu avoir dont tu étais fan alors que, en fait, tu étais le seul à être fan de ces jouets-là? Est-ce qu'il y a eu des cadeaux de Noël que tu as reçus que tu aurais eu envie de renvoyer au Père Noël? Est-ce que tu as des choses qui t'ont marqué à ce niveau-là? Moi, très vite, j'ai voulu des jouets techno et ouais, mon premier micro-ordinateur, qui était un ZX Spectrum. Celui-là, j'ai beaucoup pesté contre lui parce qu'il avait un défaut de fabrication et je crois me souvenir qu'il a fallu le ramener 10 fois au SAV. Donc, ça me rendait complètement dingue. J'étais pas vieux, hein, j'avais 10 ans, je crois, la première fois que je l'ai eu. Et c'était également un jeu qui était de nature à me couper de mon petit copain qui comprenait pas pourquoi je voulais passer autant de temps sur ce truc-là avec le magnétophone qui faisait du bruit pour essayer de charger un programme, ou quand j'achetais un journal qui s'appelait Hebdogiciel, qui était un super canard d'informatique, hein, dans lequel il n'y avait pas de publicité, il y avait un ton très libre, mais il y avait aussi la dernière page qui était consacrée à des programmes en BASIC, et je me souviens que moi je les recopiais ligne par ligne consciencieusement pour faire clignoter l'écran ou pour faire clignoter l'écran ou avoir un snake, et que moi je trouvais ça absolument génial. Et après effectivement j'enregistrais ça pendant une demi-heure sur le magnétophone qui faisait un bruit à faire grincer les oreilles. C'était pas génial en termes de popularité auprès de mes camarades de classe. Donc le petit Guillaume le disait, c'est quand même quelqu'un qui finalement n'a pas eu d'enfance avec du Playmobil, du Lego et des choses comme ça. C'était vraiment de la techno, Les Lego aussi, hein. Moi j'en ai fait énormément, mais les Lego ça a toujours été bien vu, ça cultive la créativité, les parents voient ça d'un œil, on s'en fait offrir, et puis jusqu'à un moment peut-être où on continue à faire des Lego un peu trop tard aussi, quand on commence à arriver aux alentours du collège, où effectivement ça, moi j'en ai fait pas mal, hein. Je refaisais des vaisseaux spatiaux de Star Wars, hein, à une époque où il n'y avait pas de Lego Star Wars, pièces relativement rudimentaires. Ouais, tout à fait. Je me souviens que j'ai même mes parents avaient même documenté certaines choses en photo. Je faisais des trucs qui étaient vraiment pas mal, mais voilà, ça demandait une technicité et un temps. Je le disais plus forcément au bout d'un moment que je faisais ça. J'avais même demandé à mon père d'installer un système avec une grande planche que je pouvais remonter au plafond pour libérer ma chambre quand. Qui un jour est tombé et a ruiné toute ma station spatiale. D'accord. Et une série vraiment pourrie que vous avez pu aimer dans ces années 80. Il y a un souvenir d'une série en particulier où vous disiez ah ouais, c'est. Mais non, c'était vraiment pourri. Oui, oui, c'est même des séries comme Supercopter, Tonnerre Mécanique, K2000, tout ça c'était des séries. Encore de la techno, hein. C'est vraiment le fil rouge, ouais. Quoi. Hein. C'est, ouais, c'est ouais, ouais, ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai que moi ça s'est sans doute retrouvé dans des choix professionnels que j'ai pu faire plus tard. Hein. Je bosse dans le digital depuis que je bosse en fait. Donc oui, oui, il y a toujours une continuité et bon, et effectivement quand on retombe sur ces séries là aujourd'hui, ben, ça fait partie de toutes ces séries où quand tu devient un père et tu veux montrer les choses que t'aimais quand t'étais jeune. Ah là là. Parfois d'ailleurs c'est l'insuccès absolu. Ah là là là là. On s'imagine que ah oui oui ça va lui plaire et en fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Exactement, exactement. Tous les parents ont été confrontés à ce genre de choses. Cela dit, c'est pas inintéressant, ça invite aussi à reconsidérer la réalité de ces séries-là ou de ces films par rapport à ses souvenirs, et puis parfois à réajuster des décalages. Donc c'est pas plus mal, on peut pas non plus vivre que dans la nostalgie de la propre sensation qu'on avait d'une série ou d'un film. Mais oui, malheureusement, il y a au moins autant de choses qui n'ont pas pris une ride dans les années 80 que de choses qu'on a bien ramassé. Nous sommes bien d'accord, effectivement, quand on revoit toujours la même image d'explosion dans Supercopter, qu'on se rend compte que... Oui, oui, ou les mecs qui sautent sur un petit trampoline dans l'agence touriste. Avec la caméra par en dessous, là, qui passe par au-dessus, enfin bref, ouais, c'est... ou les maisons qui explosent, en fait, les maisons, c'est comme des ballots de paille, en fait. C'est les maisons en contreplaqué, enfin voilà. Alors, les choses qui te tiennent à cœur vraiment dans ces années 80, est-ce qu'il y aurait une saga cinématographique? Est-ce qu'il y aurait un réalisateur? Est-ce qu'il y aurait un événement qui a vraiment marqué les années 80 de Guillaume? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui tienne à cœur? Il y a plusieurs événements, plusieurs sagas qui me tiennent à cœur, mais qui sont marqués en fait par un point commun, c'est que les années 80, c'est la décennie où des choses qui avant n'existaient que dans la sous-culture, hein, vraiment dans les comics, dans la BD, dans un cinéma qui était à très petit budget, qui était un cinéma complètement en dehors de studio. Les années 80, c'est la décennie où ces formes-là, elles ont infusé des productions plus cossues, donc avec plus de moyens, et puis où surtout, il y a des gens qui se sont attelés à intégrer des choses qui venaient de la sous-culture avec beaucoup de talent et beaucoup de professionnalisme. C'est par exemple des gens comme McTiernan, comme James Cameron, Joe Dante ou Robert Zemeckis. J'allais dire que j'imagine que Retour vers le futur doit être figuré parmi les sagas que vous adorez, je pense. Le côté voyage dans le temps, le côté techno, le côté... je pense que ça a dû vous plaire. C'est sorti effectivement dans les années... Complètement. Et alors ça, par contre, c'est exactement l'inverse de K2000. Quand je le montre à mes fils, ils adorent, ils en redemandent. Et effectivement, ça n'a pas bougé. Ça reste d'excellents films et puis ça reste d'une grande intelligence, tout en étant l'héritier d'une trentaine d'années de science-fiction littéraire. Un de paradoxe temporel avec des choses qui sont même compliquées mais qui deviennent un formidable film de divertissement, enfin trois formidables films de divertissement. On vient de fêter l'arrivée de Marty dans le futur. C'est un excellent exemple, effectivement, de cette créativité très 80s. Bon, il y avait aussi le pendant de ça, c'est-à-dire qu'à côté de ces gens qui le faisaient avec beaucoup de talent, bah, il y avait aussi les gens qui le faisaient avec beaucoup moins de talent. Il y avait la face sombre de cette explosion créative, c'était par exemple ce qui se passait du côté de la Canon. Moi j'ai toujours... Le Invasion USA avec Chuck Norris. Voilà. Mais j'avoue que ça fait partie de mes monuments des années 80. J'avoue que le pitch du film, les Russes qui envahissent les États-Unis... En débarquant par une plage le soir... Avec deux personnes qui s'embrassent sur la plage et ils arrivent avec des barges de débarquement des années... débarquement de 44. C'est... Et avec un plan machiavélique qui consiste à aller faire exploser trois pavillons de banlieue. C'est ça. L'arbre de Noël, le bazooka avec la route pour faire le tour comme dans West Area Lane dans... Enfin bref. J'avoue que le Chuck Norris des années 80, c'est quand même... Bah on n'en fait plus. Et non, alors, est-ce que c'est un mal? Je ne sais pas, mais... C'est un mal. En tout cas, c'est rigolo que ça ait eu lieu. Et c'est... Enfin, moi, les films de la Canon... Alors, ça fait aussi partie des plaisirs coupables. Hein. Voilà. C'était des films qui n'étaient pas si faciles que ça à voir. Moi, j'ai mis quelques années avant d'avoir le droit de les louer au vidéoclub. J'étais trop petit. Et puis même en salle, les films étaient interdits au moins de 13 ans à l'époque. Le parfum de l'interdit a fait qu'il y a eu une attente forte qui a fait de la découverte de ces films des moments forts, même si, sincèrement, les films de ninja avec Michael Dudikoff... American Ninja 1, 2, 3 et ce genre de choses-là aussi. Là. C'était des films d'une nullité, mais invraisemblable. Hein. Mais bon, voilà, c'est resté. Il n'y a pas très longtemps, Cédric, mon co-auteur, dans une brocante, a réussi à dénicher un très grand drapeau américain avec Michael Dudikoff dessus. Hein. C'était un objet promotionnel de American Ninja 2, je crois. Et il était d'une, fier comme un pan. Et je lui ai promis que le jour de son enterrement, je plierai le drapeau sur son cercueil. Oh, c'est beau. Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. toutes ces productions, comme on l'évoquait, effectivement, c'était des choses à petit budget, mais qui rapportaient finalement énormément à toutes ces boîtes de production, puisque ça coûtait rien à faire et ça rapportait beaucoup. Et les années 80, on peut dire que c'est vraiment l'avènement de la VHS, au détriment donc des autres formats V2000 et Betamax, avec des fonctions qu'il n'y avait pas forcément sur la VHS, mais comme à chaque fois qu'il y a des guerres technologiques, c'est ceux qui sont les mieux placés auprès des majors ou autres qui l'emportent. Oui, c'est pas forcément les meilleurs produits. Hein, voilà. Et donc, oui, la VHS, et notamment au niveau du cinéma pour adultes. Et alors, notamment au niveau du cinéma pour adultes, et c'est vrai que, juste l'exemple de la Canon, qu'on connaît assez bien, il y avait un équivalent européen et français de ces films faits avec 3 francs 6 sous, dans une inconscience absolument complète. Et il se trouve qu'une bonne partie de la carrière hors cinéma pour adultes de Brigitte Lahaie s'est déroulée dans ces films-là. C'était aussi cette décennie où on faisait les films assez librement, puisqu'il n'y avait pas encore la télévision. La VHS, c'était aussi un grand espace de liberté. Comme tu le disais tout à l'heure, ça permettait de gagner de l'argent sans avoir besoin d'investir trop. Voilà, ça fait aussi partie de ce dont on parle dans le livre. Et tu me tends la perche pour faire la transition sur l'adulte, sur le cinéma pour adultes que moi j'ai découvert, comme beaucoup de gens de ma génération, grâce à la VHS et grâce aux films de Canal. Ça a été aussi le voile levé vers un monde qui jusque-là était inaccessible, puisque il n'y avait pas Internet. Hein. Voir des images de nudité, des images de sexe, c'était rare, c'était précieux, c'était difficile d'accès. C'est pour ça que la plupart des gens de ma génération gardent un souvenir aussi ému, aussi important de ces apparitions de Brigitte, parce que Brigitte, c'était une des actrices les plus belles de son époque, qui avait une nudité complètement évidente. Et quand on la voyait sur les VHS que le père d'un copain gardait à une place secrète en ayant griffonné que c'était apostrophe dessus, alors en fait c'était soit le porno de Canal, elle était dans un porno de Canal sur deux hein, dans les premières années. Comme elle a tourné dans d'excellents films porno, bah, ils étaient beaucoup programmés sur Canal, et puis c'était le moment justement où elle commençait à acquérir une grande notoriété, et donc évidemment les programmateurs de Canal, ils se jetaient sur les films qu'elle avait tournés presque une dizaine d'années avant. Et la VHS, que ce soit en location, enfin en location pas trop en fait en réalité, puisque né en 73, on n'avait pas le droit d'aller louer des cassettes porno vidéo club. Il y avait un semblant de règles avant 91 normalement de protection des mineurs, et donc on les regardait beaucoup sur Canal et sur les enregistrements de Canal, toutes ces promesses d'une sexualité qui serait future hein, parce qu'on était quand même un peu jeune hein. 14 ans, 13-14 ans pendant les premiers pornos. Il y avait des petits portails d'accès là, virtuels qui étaient effectivement la VHS. Il y avait aussi des revues, on voyait des belles femmes à poil. On appelait ça des bouquins de cul à l'époque. Non, mais le côté difficile d'accès, j'allais dire, c'est parce que c'était l'étagère qui était tout en haut dans les maisons de la presse. Au vidéoclub, c'était parfois dans une petite salle au coin avec un petit escalier. Un petit rideau. Un petit rideau. Et puis parfois, ça clignotait, interdit au moins de 18 ans. Puis les bons pères de famille qui savaient très bien se servir de leur magnétoscope VHS et programmer un enregistrement, qui gardaient d'ailleurs ce savoir jalousement, hein, ne le partageaient jamais avec leurs épouses, savaient bien comment l'utiliser. Et effectivement, le porno du samedi soir, il était très souvent consigné sur une VHS. Et voilà, quand on y accédait, généralement entre copains, avec un parfum d'interdit, c'était formidable. Et l'actrice, la figure qui nous impressionnait le plus, c'était Brigitte, qu'on pouvait voir à des heures où on avait accès à la télévision, venir discuter dans soit Apostrophe, par exemple, ou chez De Chavannes, en assumant de façon totalement entière et naturelle le fait d'avoir fait ce choix-là, vraiment en incarnant cette liberté sexuelle vertigineuse hein, pour les années 80. Même d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, c'est même encore tout à fait remarquable, hein, cette capacité qu'elle a d'assumer ces choix qu'elle a fait. Et ça aussi, ça reste de mes années 80. C'est aussi pour ça qu'on fait ce livre. Hein, c'est aussi pour rendre hommage à tous ces films et aussi les moyens par lesquels on les a découverts, qui nous ont fait découvrir la sensualité, l'érotisme et qui nous ont préparé à notre future vie sexuelle. Et en fait, quand on découvre la femme, la nudité, les choses du sexe, avec des images d'une femme aussi magnifique que Brigitte, la sexualité à venir, ça va être la fête pour le restant de notre vie. Une initiatrice numérique, en fait. Exactement. Enfin, numérique, c'était très analogique, mais effectivement virtuel. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose que de tomber sur un Jackie et Michel lambda, hein, de voir pour la première fois des gens sur un écran qui font du sexe. D'abord, de voir Brigitte se déshabiller dans des scènes qui prenaient leur temps, hein, puisque... Les feuillages, tout à fait. Et puis, les scènes étaient très amenées, elles étaient dans une intrigue. Elles duraient même assez peu de temps, d'ailleurs. Elles étaient peu porno, ça durait que quelques minutes. C'est pas de la nostalgie, hein, mais ça a vraiment marqué profondément des générations, puisque c'était le cas aussi pour des gens un peu plus âgés que nous. Voilà, ça, on avait envie de le raconter dans le livre, en même temps que de parler d'un certain divertissement populaire qui allait céder le pas avec la fin des salles de quartier, et puis par la suite, le divertissement de masse numéro un, ce serait la télévision. Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir, dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle. Quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot. Alors, également, un goût immodéré pour le genre post-apocalyptique, a priori, avec du Mad Max 2 et du New York 1997. Tout à fait, ça je le reconnais, c'est même un goût que j'ai largement cultivé. Effectivement, à la suite des deux films que tu viens de citer, il y a eu une vague. Alors voilà. Je cherchais à en imiter le succès. Et le fameux, qu'on cite souvent dans nos podcasts, Diesel avec Gérard Klein et Diesel Agnès Sorel. Il y avait aussi Terminus de Pierre William Glenn avec Johnny Hallyday. Quand même avec un design de l'ordinateur de bord du camion de Johnny Hallyday qui était réalisé par Roland Topor. Donc c'était pas n'importe quoi. Hein. Le méchant c'était Jürgen Prochnow. Mais bon, c'était quand même de la merde. Les Italiens faisaient des trucs qui étaient beaucoup plus drôles. Et en alors fait, c'était la période clou de Johnny, parce que je me souviens, mon père avait un CD de lui qui s'appelait, il y avait une chanson qui s'appelait quoi, La Peur ou un truc comme ça. Ou sur la jaquette du CD, il avait une sorte de casque de motard, il était tout en cuir hein, lui, tout là tout aussi. À fait. Et avec des choses à clous. C'est tout. C'est l'époque où il arrivait dans ses concerts avec une guitare en forme de hache. Et donc, il était lui-même très sous influence Mad Max 2. C'est difficile de se représenter, quand on n'a pas été dans ces années-là, à quel point Mad Max 2, ça a été une rupture esthétique et à quel point ça a marqué tout le monde. Philippe Manœuvre. Philippe Manœuvre, à l'époque, il était le rédacteur en chef avec Jean-Pierre Dionnet d'une revue qui s'appelait Métal Hurlant. Grande revue dans laquelle il y avait des superbes dessinateurs comme Moebius, Gaza, Corben. Enfin, c'était vraiment une revue qui a permis de cultiver, de diffuser la bande dessinée dite pour adultes. Alors, pas de cul, mais dans lequel il y avait aussi du cul. Avec du fantastique, de la science-fiction, de l'horreur, enfin voilà, des choses très affirmées avec énormément de personnalité et avec des grands noms. Et puis c'était une revue qui parlait de cinéma, de littérature, de musique. Et Philippe Manœuvre donc était un des rédacteurs en chef pendant plusieurs années. Alors déjà il y avait une couverture de Métal Hurlant sur deux qui était consacrée à Mad Max 2. Mad Max 2. A commencé un an avant la sortie du film, puis ça a continué très très longtemps. Et lui, à la sortie du film, il s'est quand même fait décolorer la tempe en gris pour avoir comme Mel Gibson dans le film donc une tempe grise. Et il a signé pendant des mois et des mois, chacun de ses articles, file Mad Manœuvre. Philippe Manœuvre, qui est un puits de culture, qui n'a jamais été une midinette. Donc lui, il a été profondément marqué. Je me souviens notamment d'un numéro spécial sur le tournage de Mad Max 3, des Enfants du Rock, également, où il avait couvert le tournage. Effectivement, on sentait qu'il était vraiment à fond là-dessus. Il avait même écrit la novélisation de Mad Max 2. Bon, bah alors, en tout cas, voir l'influence sur la culture de l'époque est assez énorme. Et puis, ça a eu une influence qui s'est retrouvée aussi dans des productions toutes pourries, des productions de Roger Corman aux Philippines. Ou les Italiens qui, dans des usines désaffectées de la plaine du Pô, imaginaient la chute de New York. Cela dit, c'est un terrain pour l'imagination qui est fertile parce qu'il continue à donner des choses intéressantes. Alors évidemment, il y a Mad Max Fury Road, qui est un grand film. Et puis, par exemple, dans le jeu vidéo aussi, il y a des choses qui sont assez formidables. La saga Fallout, par exemple. Dont le quatrième volet sort à la fin de l'année, là, effectivement. Exactement. Non, oui, tout ça, ça a été les Wasteland, effectivement. Il y a eu pas mal de choses sur le post-apocalyptique. Alors, les choses, par contre, à oublier totalement des années 80, pour Guillaume, c'est de la fringue, c'est de la série, c'est quoi c'est... On va rester dans les programmes. Les années 80, c'est aussi la période où l'offre de télé explose. Il y a des nouvelles chaînes qui apparaissent, là où il n'y en avait que trois avant. Ça a plein de bons aspects, ça permet de rendre visibles des choses qui jusqu'avant ne pouvaient même pas passer à la télévision parce que la télé était trop coincée, puis même, il n'y avait pas la place. Donc il y a des très bons côtés à ça. C'est grâce à ça, par exemple, que l'animation japonaise débarque en France comme dans peut-être aucun autre pays au monde. On continue à dire qu'on est le deuxième pays du manga grâce à ça. C'est devenu totalement naturel et ça, c'est vraiment parce que les vannes ont été ouvertes dans les années 80 parce qu'il fallait alimenter les programmes pour enfants, les cases pour enfants. Et puis, il y a le mauvais côté de ça, c'est que c'est aussi aussi dans les années 80 que la télé a commencé à devenir un robinet, c'est-à-dire que il y avait plus de chaînes qui émettaient de plus en plus, et une télé ça supporte pas le vide, il faut qu'il y ait quelque chose à la télé, et c'est dans les années 80 qu'on a commencé à faire des programmes qui avaient comme seule fonction de remplir du temps d'antenne, qui sont des programmes qui, si tu me demandes mon avis, n'auraient pas dû être enregistrés, hein. Ils auraient dû être juste diffusés en direct comme ça, et on n'aurait pas dû devoir se traîner aujourd'hui comme des boulets une espèce de mémoire les revoir sur la TNT et autres. Voilà, des trucs qu'on retrouve sur la TNT. Enfin, les productions AB sont apparues un peu plus tard, mais tu avais quelque chose qui préfigurait les productions AB sur la 5. La 5 était quand même la cinquième chaîne à arriver en France après Canal+. Pas accessible partout, par contre, parce que moi je me souviens effectivement. Elle n'était pas accessible partout. Et tout, c'était compliqué. Il y en a qui ont connu la 5 pendant 6 mois. Et c'était encore pire pour la 6. Mais il faut juste se dire que la 5, quand elle est arrivée, donc c'était quand même une chaîne en plus derrière laquelle il y avait des groupes industriels, il y avait Lagardère, puis Berlusconi. Et c'était une chaîne, mais d'un cheap inimaginable aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était même pas du niveau des chaînes de CinéFX par exemple, c'était une chaîne qui programmait déjà des rediffs et puis qui allait acheter des films au kilomètre. Alors moi j'étais très content parce que ça permettait de voir des films de kung-fu et des post-apocalyptiques italiens à des heures improbables et des jeux télévisés improbables où il fallait compter les billets et avec des stripteaseuses au-dessus de soi. Ça, j'avoue que moi j'en parle souvent et c'est vrai que ça m'avait marqué, ça, le Je compte sur toi animé par Olivier Lejeune. Et dans les programmes qui servaient à répondre aux obligations d'investissement dans la production française de la 5, il y avait un programme le matin qui s'appelait Voisin Voisine, qui était tourné dans deux apparts avec des comédiens qui étaient laissés un peu en roue libre avec à peine un canevas pour improviser et qui devait tenir une à deux heures tous les jours, enregistré la veille pour le lendemain. Et qu'on en fait beaucoup, ça a duré pendant des années. Alors c'était n'importe quoi, hein. C'était une sorte d'impro, mais pas du tout en mode performance, hein. Ça a été le prototype d'une machine à faire des programmes de merde pour pas cher, qui a servi de modèle aux productions Azoulay Berda. Voilà, ce type de production là qui ne servait qu'à remplir du conducteur d'antenne n'a de valeur que par rapport aux souvenirs que les gens ont eu, parce que c'est vrai que comme il n'y avait pas non plus beaucoup d'offres de chaîne, il y a pas mal de gens qui les ont vus et qui ont partagé autour de ça. Mais après, je pense que globalement c'est pas une contribution au patrimoine de la créativité humaine qui est oui, c'est quelque chose qu'on peut laisser derrière nous, alors qu'à côté de ça il y avait des choses absolument formidables. C'est-à-dire que faut pas manquer de discernement et trop se laisser submerger par une certaine nostalgie. Tout ne se valait pas, hein. Et c'est vrai que quand on est 20 ou 30 ans plus tard, on en parlait tout à l'heure, en situation de transmettre ou de guider vis-à-vis de ses enfants, voilà, c'est le moment où il faut faire des choix, parce que on va pas tout leur montrer, hein. C'est ça, faut être sélectif et leur forger une culture un peu décente plutôt que voilà. Chercher la femme, c'est du champagne. Ça pétille, c'est frais, ça fait tourner la tête. Chercher la femme, un grand jeu spectacle animé par Amanda Lear et Christian Morin. Chercher la femme, trouver la reine de la semaine. Chercher la femme, samedi 20h30 sur la 5. Normalement, je demande la chanson culte des années 80 et ce qui représente le plus la décennie pour mon invité. Alors, est-ce que tu en aurais quand même une à nous? J'en aurais même quelques-unes. J'ai pas trouvé de chanson française à mettre là-dedans parce que je pense que j'ai eu un traumatisme. Une plaie béante. À base de top 50. Je pense que je n'ai pas entendu ce qui se faisait de bien dans les années 80 en France, en chanson française. Je pense que ça a été couvert par le vacarme du top. Même du Jean-Jacques Goldman ou des choses comme ça. Même pas un petit Je marche seul ou un petit Daniel Balawan ou quelque chose, non, rien. Moi je les ai tellement entendus ces chansons là qu'à un moment ça les banalise. Oui, on va pas parler de téléphone et autres, parce que bon, voilà. Bah oui, c'était des trucs, enfin, il suffisait d'allumer la radio pour les entendre, quoi. Il n'y avait pas des playlists aussi longues qu'aujourd'hui. Il y avait des choses super chez Goldman, chez téléphone, mais on les a tellement entendues. Donc c'est vrai que moi, ce qui me reste aujourd'hui, avec le recul, c'est des choses que j'allais plutôt choisir d'écouter moi. C'était par exemple certaines chansons de Prince, j'ai un souvenir encore très vite de Kiss, ou un groupe qui est tombé dans la désuétude, mais j'aimais bien Honor of a Lonely Heart de Yes. Qui avait une barre chocolatée à leur nom en plus, c'était quand même énorme, quoi. Le Yes, quoi, je veux dire, c'est une chance. Oui. Et puis certaines chansons de Queen aussi, comme quoi je ne renie pas des choses profondément ancrées dans les années 80 à tout un tas de niveaux, hein, musicalement, je veux dire, hein, puisque moi j'aime bien Queen. Et voilà, sur la chanson française, ça s'est télescopé et je n'ai toujours pas digéré. Jean-Pierre François, Je te survivrai, on a bien compris que ça. Par exemple, et tout ce que, en tant que petit clou, il fallait qu'on avale. Tous les petits clous qu'il fallait qu'on avale, en fait. Ouais. Salut les petits clous. Bah, la dernière question, ça va être le gastronome en culotte courte, Guillaume des années 80. Quel était-il ? Est-ce qu'il a un souvenir d'un plat en particulier, de bonbons en particulier des années 80 ? Est-ce qu'il y a un souvenir culinaire, un profil culinaire du petit Guillaume dans les années 80 ? Pas facile pour moi de répondre à ça. La crème Mont Blanc. Ah ! La crème Mont Blanc. Et alors, la crème Mont Blanc, je pense même que c'est quelque chose que j'ai consommé essentiellement dans les années 80. J'ai pas forcément poursuivi au-delà, mais effectivement, la crème Mont Blanc au café. Ah, oula, café, oula, là, particulier. Oui, particulier, oui, mais je sais pas, ça me fait plus l'effet que ça me faisait. Quand je m'en engouffrais un pot entier, ce qui était sans doute possible aussi, parce que quand on est ado, on peut manger. Quand la on boîte est de conserve de Mont Blanc. Exactement, on peut ingurgiter des quantités totalement délirantes de bouffe, la même chose. Et donc, je pense que je m'en suis fait quelques-unes des boîtes de conserve. Et c'est si. Un goût qui pour moi est bien ancré dans ma préadolescence et dans mon adolescence, c'est la crème Mont Blanc au café. La crème Mont Blanc au café en regardant un film de Brigitte, et puis on est bien. Bon, autre, hein, ça s'accommodait avec tout. C'est tout à fait. Bon, bah écoute, Guillaume, je pense qu'on a bien creusé le concept du livre et ton profil années 80. Il va me rester donc à te remercier énormément d'avoir répondu favorablement à mon invitation. À rappeler qu'effectivement, jusqu'au 14 novembre, allez sur KissKissBangBang pour soutenir l'ouvrage Brigitte Lahaie, les films de culte, que vous pourrez retrouver si tout se passe bien, et je pense que tout va bien se passer, au mois d'avril 2016, si vous avez soutenu le projet. Moi, je pense que les figurines Lego, il va falloir que j'actionne ce palier-là. Et n'hésitez pas à nous laisser vos retours sur Facebook, sur Twitter et sur tous les moyens de communication à votre disposition. Je vous remercie et à bientôt pour un nouveau numéro d'Étisez-vous. Salut, salut, merci Guillaume. Merci, au revoir. Dance.